manam dafa mo déjà ginnaw biñu wouté ci deugaray hadith bi ah d'accord d'abord ah d'accord mais inshallah hadith bi zahiru mbiri moy hadith bi deugar na mais ginnaw biñu wouté ci deugaray hadith bi ndax wër na d'abord wala wërul en tout cas imam al-qurtubi rahmalahu dana ak alusi sax rahmalahu nañ hadith ci rod yi wër deugaruñ ci wax doomu ndialo ak yoy deugaruñ ah d'accord voilà mais ci sen tafsir quoi mais wallahu a'lam mais amana deugarna parce que peut-être ñom dañu bayyi xel ñen ñu ko indi bayyi wuñ xel ñeneen ñek yoy amma wax ji nga xamne mom lañ wax ne doomu ndialo nak du dugg aljana borom xoxam rahmatullah am da ci wuté ci ñaari firi bu ñëkk bi moy comme ni mu nekk zahir wax ji moy ki nga xamne dafa juddoo ci ndialo benen firiwin bi moy ki nga xamne mom doomu ndialo la manam moy ko xamne dafa yagg di ndialo ba ñu mëne ni konku doomu nangam la ah d'accord voilà moy ki nga xamne mom daf koy faral di def tout temps voilà comme ni nga xamne ki nekk ci yoon di tukki ni ñu ko waxe ibnu sabil sallallahu voilà tukki ha lu fu ngam ko voilà deng kon manam kon manam kok mom lañu nam ci joju wax buñ deugereele li nga xamantene mom moy bat bi mais wallahu a'lam wax ji zahir bi la lol nak liko waral dune subhanallah c'est que parenthèse la bo xamné amana vraiment fokk ñu taxaw ci touti parce que parenthèse la bu am solo té bari na ay question nit ñi luñ ci questioné wo ak luñ ci jaxlé fi première question bi nek moy budé wax ji yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax té mu dëgër té lool moy zahir bi té alcorane jappalé nako parce que alcorane bimu wax moy ay biñu don wax sank ci sourate nun fala tuti'a kull halafin mahin fala tuti'a yanabi sallallahu alayhi wasallam yalla danako fala tuti'a bul top kull halafin kok gis mu beuri lu muy jign mahin nek ko doye de hamazin ko xamantene foko fek mi xol lu diw am ngir mu mon ko yakal masha'il ko xamne aji doxla bina mimin ci rambaaj di jaxase nit ñi manna'an ko xamne aji xagna kon la lil khair ñeel yiw fum gis yiw day fexé ba diko xagne di fexé ba diko téré di fexé ba du nit ñi duñ ca jot ba paré mu'tadin ku mu'tad moy kuy jalgati la voilà transgresseur asimin ko fess del ak bakkar xol la xol bi ay bakkar dañ ci fess mu'tadin asimin utullin du non salatu ta'kul halafa min hamazin mashayin bin min manna'il khair mu'tadin asimin utullin moy ko xamantene dafa fetteru dafa deugar xol dafa deugar dafa ruy voilà dafa ruy day gandalu ba'da zalika ginnaw lolou yep nak zanim doomu ndialo la hadith bobu mingi manam ay bobu mingi wacc ci kuñu wax Walid ibn Mughira a mandar gi yee alquran wax ci mom yep day tekte lene nit ku bon la te nitu safara la té li waral ci mom lolu moy fin bi lim ne baad ginnaw lolu yépp zanim doomu ndialo la parce que li yalla wul mana moy alcorane di xat xass nit juste parce que askanam la wa lolu dal mom yalla duko def kon lolu dafa am lumuy tektale day tektale ne le fait que mu nek doomu ndialo te dafa intrinsèque ci mom motax mu ne zanim gis nga forme bu mu utiliser zanim voilà manam lolou da fay tektale ne doomu ndialo amna mom ci intrinsèquement boudé meun nañ utiliser langage dañ nan ay gène yu muy indalé yu muy juddu walé yu muy nekkalé té nonu lay faral di mel lool moy xalal xalib moy li ëpp ci li xew onam kul juro ci ñaanu dal am na terrestre ci ñi koy xamé voilà moy jikko yi ñu motax jikko yi duy faral di dajalo ci nit luddul dafa fekk na doomu ñaalo la yalla ñu yalla sam Allahu akbar motax li jara sante yalla bari na teul yu mëno jël ci dé Allah Allah Allah Allah la ilaha illa Allah yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla mussel ci ndialo ak lepp lo xamanteni ci wër ak suñu njabo minni akhura legi lool moy benn problème bi lool mom dafa nek réalité bo xamanteni quel que soit yenn ulama zahiri luñu jema jagn problème bi mënuñu dindi ay bi ni mi tektelo affaire bi parce que dañ nan al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab koku règle fiqh la bu règle hadith ki usul la bu deugal liñuy baye xel moy umum al lafz moy généralité baatu al qur'an bi bu fekkonté né walid ibn mughira kessé la concerné lolu nonu kon da nu tuddu turam comme ni mu tuddé abou lahab ok problème bi moy concerné walid ibn mughira kessé affaire bi dafa concerné la dafa concerner caractéristique yi te liko waral ci mom moy dafa fekk ne doomu ndialo la ñu itam win ni suji fini voilà okay ba paré lool la an nakira bo xamantene num tudati dafa am manam nafyu la hein nako lako tete tu fi dul amum amna nak nuñ ko toxate sax nan lako xaa xaay da usuliyya bi waxe wala lol la kera rek ñu ci doon waxtan ci qaida bobu wala manam nakira mom manam luñuy wax article indéfini su fekkentene dañ ko dakk manam la bobu fa la tu tex bul top kulla wala bat kullu tamit day tekkale al umum tamit day tekkale al umum moy ag luy wone ne ñepp ñu mel ni lañ ma li la mi nan la ndialo bi nekki cause alkum ba'na zalika la voilà c'est parce que xam nga tay bo xolé ni mu procédé dañe day jël ci bakkar bi gëna ndaw dem ci bi gëna mak té bo sét lol principe de causalité lay doon fo xolal bakkar ni mu joggé ci kaw ba ci suuf yépp principe de causalité la fala tuta kullu halafin wat kat bobu mahinen kuy doye di la foku loy liko waral moy dafa doye di motax nga gis foku fek kaddo amutul solo foku fek day wat ndax day japp ne han ken duko gem man na an lil khair liko waral mu doye di nak moy day xagne yu motax din da fay jalgat motax muy xagne yu di jalgati gog di transgresser gog manutu la def yu ba pare manutu ba yu yegg fenn wala yu mel non mo tadi asimil ku fess bakkar la ci xolam lolo waral lol tamit rotul li moy dafa reuy ko xamanteni dafa reuy xol bi deugal lolo waral tam bakkar fess ci xol bi ba'da zalika ginnaw lol moy zanim doomu ndialo la manam bo xole moy principe de causalité bi ak tamit principe lenn lu ci nek day ñew ci mom manam day likoy waral ak tamit manam conséquences moy lako jitu wa manam da fay procéder par mom bay tuddu conséquences yi tuddu cause yi tuddu quoi voilà ba bare sa yu tuddé dara day tuddu lako gëna ngand li gëna graw lool parce que tay boy xam nga loolu façon ki la parce que yenen tibi la doon défendre sallallahu alayhi wasallam deggolim ko ma anta bi ne amati rabbika bi majnun manam fofu la tambalé wa innaka la ala khuluqin azim gis nga procès ni mom nim progresser tamit ci walu yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà waddu law tuddu fi lu fay defu ñom non lañ mel dañuy bëgg ngay ragalante ak ñom ginnaw ngay doye dal sa affaire diina bu ko defé ñom nit ñu xawa noyal tuti jëm la wala né yow tu es modéré islam modéré ngay dundu nangam on accepte l'islam asla islam bi nangul lañ ko nga noyal ñu noyal deug mais pour yalla di dalal xelu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba pare diko fayul kikoy ki nga xamantene moy nonam mu utiliser procédé bob parce que procédé bu graw la ci tag wala ci xass xana gisso bi mi tag mam ibrahim manam en fait bi mi tag mam ibrahim alayhi salatu wassalam mais da ko don tag mais en même temps da ko don mais en réalité tag bi sax ci yenen tibi lawul beti ko wat sallallahu alayhi wasallam bim nan inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifan wa lam yakun minal mushrikeen nene mam ibrahim xolal ni procédure inna ibrahim kana ummatan mom rek ben nit la won bo xamantene mom kesse djub imam la won bu meuna bo xamantene roy kay bu mag la qanitan lillah dafa delo lepp yalla hanifan dafa jeng wolif lepp lu djubadi walam yakum minal musikina bokkon ci ñu bokale koku ben la mun shakiran li an'amihi parce que lolu caractère bobu non liko gëna mag moy nit ko xamantene fo tol lay gëreum yalla shakiran li anami ijtabahu bo pare liko gëna mag moy ko xamne yalla ci bopam moko tafal tanal bopam wa hada ila siratin mustaqim tek ko ci yoonu ñub lolo gëna mag lo muna summa nok top ginnaw liñu may mam ibrahim yépp lolu yépp gis nga ni mu re aw hayna ilayka liko gëna mag moy wax yu giñu la wax yu neela ani tabe'a la ta ibrahim hanifan topal yoonu mam ibrahim buñu xamé kan moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci magay ñu ne ko topal yoonu mam ibrahim moy mam ibrahim nak go deug deug loolu aw tag la ci mom xéewal gi gëna mag giñ moy mam ibrahim mo lool waaw alayhi assalam manam loolu kon c'est à dire que manam procédure bo lo alquran day faral di doxale non bon dal aller de l'effet à la cause de l'effet à la cause en fait voilà de l'effet à la cause wala bok muy aller du plus petit au plus grand ouais crescendo quoi voilà legui en fait parce que ulama zahiri en fait ñom liñu mënul comprendre moy nan la nit di mëna ñaka défé dara ba paré mu am ci effet manam ñom loolu ñu mënul comprendre mais loolu mais lolu moy sheytaane rek sheytaane yalla yu bind bi bind sheytaane yi xam nga sheytaane yi da len di bind ba pare dañuy duy dem safara directement te sheytaane yi ñom ils sont impossible du tout parce que sheytaane ak jinne yi duñu benn de dafa am ño xamne yalla da len bind ñu nek ay sheytaane moy comme sheytaane yi ñi iblis di yoni ci nit ñi ak yeneen ak sheytaane yalla du ko bind mu mel non naturellement man du manam dafa man ta djub mom xamna ni yalla du ko reub ba pare mu comprendre lool manam te lool doy nako manam mu nek ci lool ndax xamna lool mom ni yalla ni lako bindé te da ko yobbu safara mu contenté wu ci non résignation voilà non parce que dafa mën du ko mënul en fait mo gis nga iblis xam nga iblis ak xel mi numu reey biko yalla rebe lan motax neewul wa ko yalla balo xam nga munu na ni yalla balo wow ne lan motax waxuko parce que mom comprendre na ni li la yalla nam ci mom yaa ngi deg wax legui doomu ndialo problème bi affaire bi yepp fofu la né moy le fait que ñuy raisonner nonu raisonnement bob mais mom ak ki juddo xam nga bo né ma deful dar dama na la ki juddo ci rew yéfer ñu yaré len ci bagn islam mu juddu nek yéfer ñun ñu upp ci ñun ñi juddo ci islam magge ci tay bu ñu juddo won ci yéfer yi ni la même chose dañuy nek comme ñom parce que tout simplement li ëpp ci ñun neeku ñu di raisonner ba trouver ni ndekete l'islam moy deug wa li ëpp ci ñun mo la li ëpp ci ñun dafa fekk rek ne yalla dafa def mu tombé muy deug ñu judd ci wa ta loolu la mu ko wolu rek la voilà man mu ci mo wax fi mo xam la no ci ñu mo mais lool kessé lu ëpp ci julit ñi jamono ji parce que li la koy war moy ñom ci seen bop tay buñu taxaw ak yéfir mënu ñu ko wax luy tektale ne yalla ci bopum kenn la ta dañ ko wara jam wala déjà lool mo lay won ne comme ñom en réalité dañ ci top non rek mais du sax lo xamantene manam par culture la par naissance par lool kessé la légi tay koku non koku tamit limu def lan la def lan la def ba tax mu juddou ci yéfir yu maggé ci ñom néngam nangam dé dem safara ba paré koku normal gën lolo gëna graw ci wajjo di té koku non non da ful manam ci juddou gi essentiellement wajjo voilà donc manam yow manam ki yoy yépp dafa manam ki wul mu tuddati istidaar yi manam tektalo yi manam lolou deugum kon li nga xamantene mom moy mbir moy zahir ba pare tamit benen affaire dafa moy munu ñu genné ci zahir di dem ci lenen sans texte bu leer ñom mën nañ tekto la wala taziru waziratan wizra okhra manam nit du yanu bakkar benen mais problème moy alquran nimu waxé ci sourate nun moy waré ni affaire bi waji intrinsèque affaire bi dafa intrinsèque ci mom parce que yalla c'est impossible mu xass ko ci ne doomu ndialo la fekk hein fekk lolu du lu intéressé ci mom waxana est ce ñom buñ la wax ni parce comme day def ga day def waam comme mom ci dundul mom ci no tambuli la bokon wa mais problème bi moy affaire bi dañ nan xam nga lutax legui bo indi qahir bi al ibrat bi umum al lafdh la bi khusus safa bi lo may tont wa manam dal manam lolou moy nek sen non wax di parce que li tax moy bu don kokou la concerner kon da nu tuddu turu comme nimu tuddé abou lahab mais fi tuddu turu moy wala ni kon mbir bi dafa dépendre ci jikko ji non c'est vrai manam hein dafa général moy wala ni dafa général comme si ñu wax rek yow bu dindi won lepp rek nga dindi lepp hasa ki nga bayyi ajiti fi ñew yop wa mone rek la tuti kul zanim voilà bu ma la ko waxon ba pare tamit le fait que mu indi ba'da zalika zanim ginnaw lolou yep doomu jalo la day tektale ne manam moy caractéristique yi yep bi ci gëna bon moy lolou parce que mom moy bi regrouper yep maintenant nak manam ñom problème bi len problème yi len parce que dafa parce que xam nga nas texte qiyas kenn duko def ci texte bu leer ba pare qiyas bokk na ci condition yi koy yak hein raisonnement par analogie bokk na ci liko yak moy qiyasul mansus alayhi ila mansusun alayhi di qiyasé lo xamantene texte daf ci ñew ci leneen lo xamantene texte daf ci ñew mën ta né qiyas bokoy def fokk texte bañ ci ñew bon lolu c'était pour wax ki motax nak ci bir lolu ci ngay gisé li tax walu yalla yi radhiyallahu presque ñom ñep daf dañu unanime ci ben question moy ñom d'accord nañ ni doomu ndialo mu du dem aljana walu yi ñoo ñaan Kroko, si, soyo mon, te lol moy zahir, moy, en tout cas taxi lol lañu gëna jappalé même bu fa ak internet wala ma zahiri ñom lol dafa def problème ci ñom ñuy jëma sét nu ñuy def pour firiko pour génné ci mais problème bi moy li c'est une réalité te walu yi li ñuy wax moy comme par exemple même chatta jawahir man cheikh na tidiane rabelane daf ne ak ñeneen ñu en fait dama ko joxe exemple rek par exemple xol ci taqribul aqsa wala yeneen téré comme seigne touba par exemple rabelane mom tamit mi ngi expliquer nan bok na ci ñi dem araf moy doomu njaalo bu sel war ibnu zina salih ko xamne salih la me ci doomu njaalo la bok salih bi mu nek salih motax du dem fele du dem safara mais le fait que mu nek ibnu zina motax du dem aljana ta hadith bi gis nga li wax la dakhul jannata la wax waxul day dem safara day dul dem aljana mais araf mo kon gay dañ fa nek mais nak non non non après dañu dug aljana oh d'accord mais comme par exemple cheikh na tidiane radhiyallahu anhu pour résumer lim wax mom dané en fait doomu njaalo gis li tax muy dem safara mom manam lool moy naturam li tax moy yaram bi ci bopam fek manam jëm ji ko ni mu constitué wo ci bopam mo baxul imagine tay xolal tay té lool bokku na ci li wone ni lim wax nonu moy li deug moy dafa deugër moy imagineel ki nga xamné dañ ni buy dundalé riba njabotam lool day waral ci ñom ñu dëng juubati lool xam nga xam nañ ko oh loolu xam nañ ko te tektal alquran tektal nañ ko tektal hadith tektal nañ ko oh nit kuy te yit li feñ manam moy li nga xamantene ñun ñëpp tek nañ ci suñu bëtt kenn ku ci na amna ci benn exemple oh loolu mom moy lool waaw kuy dundale sa ñamot riba duñu juub parce que toi parce que quoi que tu aurais fait pour les djubal mais ñom lool voilà lool nak même nit ki ci bopam nit ki dundé lu haramul li haram nit ko mom ci bopam da dul sel mom rek mom mi dundé lu haram rek du sel ay ñaanam duñu nangu du sel et cetera oh oh oh segam koku